Vous êtes bien sur RIG justement, puisqu'on en parle. Et nous sommes le mercredi. Et qu'est-ce qui se passe le mercredi? Eh bien, le mercredi, en général, aux alentours de 20h, c'est la saga des Fab Four. Et alors, la saga des Fab Four, cette fois-ci, il y a quand même quelque chose d'exceptionnel, parce que vous savez que j'utilise quelquefois... Enfin, John Lennon utilisait ses chansons pour parler de lui. Et moi, quelquefois, j'utilise mes émissions pour parler de moi. Aujourd'hui est née Eva. Aujourd'hui, la fille de ma nièce, eh bien, cette émission lui est complètement dédiée. Bienvenue dans le monde, Eva, et bravo. Voilà, vous êtes sur RIG, il est 20h, passé de 3 minutes presque. Oh, la marche, c'est vachement toujours de Nexo. RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. De vous retrouver. J'aime être dans cette radio, j'aime être derrière ce pupitre, j'aime être avec vous sur Facebook, le groupe La Saga des Fab Four, sur macaclub.com dans la rubrique La Saga des Fab Four, ou sur yellowsub.fr, toujours dans la rubrique La Saga des Fab Four. Je pense aussi à vous, ceux qui écoutez la radio sur la FM, c'est 90.7 pour la région bordelaise. Pour le reste du monde, c'est tout simplement sur www.rigfm.fr. L'album de la semaine, de cette semaine, eh bien c'est Life Peace in Toronto, John Lennon, oui, en 1969, parce que demain c'est l'anniversaire de John Lennon, donc on pouvait lui faire ça, parce que il y a 40 ans est sorti l'album Walls and Bridges, donc on pouvait en parler aussi. Bref, il y aura du Lennon en pagaille, puisque j'ai décidé de manière très arbitraire, comme d'habitude, d'abord d'avoir un album de la semaine de John Lennon, mais également les chansons des Beatles seront, je crois, toutes interprétées par John Lennon ou ont été créées par John Lennon, comme par exemple Day in the Life qu'on écoutera tout à l'heure. Il y aura également Julia ou Baby You're a Rich Man, qui est une composition de McCartney et de Lennon. On expliquera ça tout à l'heure. L'album Life Peace in Toronto, il y aura Money That's What I Want en live. Il y aura pour McCartney That Would Be Something, ce sera quelque chose. Ce serait quelque chose d'ailleurs si on veut traduire ça. Extrait de l'album McCartney en 1970. Pour Harrison, une très belle chanson, True Love, sur l'album 33 and One Third de 1976. Pas avoir un trou dans les dents hein, pour dire ça, c'est pas évident. Pour Ringo Starr, je vous proposerai une chanson que j'aime beaucoup. Elle date de 1974 sur l'album Goodnight Vienna et c'est Easy For Me. Si vous ne l'avez jamais entendu, ça vous donnera une occasion de vous dire, mais Ringo Starr, lui aussi, il a réussi à sortir de belles chansons après la séparation des Beatles. Voilà, pour l'essentiel, il y a 27 chansons de programmer, quelques petites surprises peut-être pour vous. Et puis pour le reste, eh bien, on verra ça, on va en parler au fur et à mesure de cette saga des Fab Four, la numéro 226, qui est donc dédiée à Eva, la fille de ma nièce, qui est née aujourd'hui. Bravo Eva. Allez, l'album de la semaine, c'est Life Peace in Toronto. Globalement, là, sans fiche, sans rien, c'est il devait y avoir un festival. Les gens du festival voulaient avoir les Beatles. Les Beatles n'étaient pas chauds pour y aller. Ils ont essayé d'avoir John Lennon. John Lennon a fini par dire, oh ben allez, finalement j'y vais. Et puis il a réuni, mais à l'arraché, vraiment à l'arraché, ils ont répété dans l'avion. Eric Clapton, Klaus Voormann, voilà. Donc c'est un groupe monté comme ça à la va-vite. Et ils ont été... ils sont allés là-bas et John Lennon lui a pensé, bah, finalement c'est bien, je crois que les Beatles, je vais lui dire au revoir. Mais il ne le dira pas, il attendra un petit peu et il va se faire doubler par Paul McCartney. Voici la première chanson, Money That's What I Want sur RIG. You can give it to the birds and Il y a quand même du beau monde dans ce festival. Hein. Les organisateurs ont réussi donc à faire venir John Lennon. Oui, oui, aussi, Yoko Ono, d'accord, d'accord, j'aime pas dire son nom, mais c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça, il y a Chuck Berry, il y a Little Richard, il y a Jerry Lee Lewis, Fats Domino, Bo Diddley, Gene Vincent qui se partagent l'affiche, ainsi que des gens jeunes à l'époque, comme Alice Cooper, comme Chicago Transit Authority and The Doors, par exemple. Voilà une partie de l'affiche de ce Live Peace in Toronto qui est le premier live post-Beatles, puisque Abbey Road venait d'être enregistré. Et puis Lennon s'est barré parce qu'il voulait absolument faire un groupe qui porte le nom de Plastic Ono Band pour la première fois, je crois. Et donc il y a Clapton, il y a Klaus Voormann, comme je l'avais dit. Il y a le bassiste de Yes, Alan White, également pour les accompagner. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet album-là, qui est intéressant seulement pour les chansons de John Lennon. Et voici Paul McCartney. That Would Be Something, tiré du premier album solo de McCartney en avril 70. Something that would be something to reach in the falling rain, Mama. Reach in the falling rain. Reach in the falling rain, Mama. Reach in the falling rain. That would be something. Really would be something. That would be something. Beach in the falling rain, Mama. Beach in the falling rain. Beach in the falling rain, Mama. Beach in the falling rain. Beach in the falling rain, Mama. Beach in the falling rain. Something it really would be something. That would be something to meet you in the falling rain, Mama. Meet you in the falling rain. Meet you in the falling rain, Mama. Meet you in the falling rain. Meet you in the falling rain, Mama. Beach in the falling rain. Beach in the falling rain, Mama. Beach in the falling rain. Woo. Woo. Ooh, now beach in the falling rain, Mama. Beach in the falling rain. Beach in the falling rain, Mama. Beach in the falling rain. Beach in the falling. Mama, beach in the falling rain. Beach in the falling rain, Mama. Beach in the falling rain. It's a true love. On est passé de Paul McCartney à George Harrison en 1976. Chanson, si mes souvenirs ne me trompent pas, de Cole Porter. Donc, George Harrison faisait des reprises, mais faisait des reprises souvent avec une touche harrisonienne assez spéciale, toujours sa guitare qui pleure et tout ça, mais c'était plutôt sympa. Et voilà une bonne chanson de George Harrison sur l'album 33 and One Third. Je vous rappelle le point de départ de ce titre-là, puisqu'on a toujours dit qu'Harrison avait du mal à trouver des titres et pour les chansons et pour les albums quelquefois aussi. Eh bien, 33 and One Third, c'était la révolution du 33 tours, ça tournait à 33 tours et un tiers à l'époque. Ça tournait à 33 tours, un tiers. C'était également plus ou moins en 76 l'âge de George Harrison. Il avait à peu près cet âge-là. Voilà, faut pas aller chercher plus loin. Et c'était plutôt sympa. Je vous ai dit en début d'émission que Ringo Starr avait sorti une belle chanson sur l'album Goodnight Vienna. La voici, la chanson Easy For Me. Ça lui va très très bien. Écoutez, c'est sur RG. Nobody loved her, it was easy to see. That made it easy for me. The boys never fought over her company. That made it easy for me. Love so bright could only blind us. How could reason hope to find us hiding in the Milky Way without a star to shine the way? Castles fell from the tears in our eyes. That made it easier to see. That makes it easy for me. Nous avons entendu successivement John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr. Lorsqu'on mixe les quatre ensemble, ça donne, ben oui, les Beatles. Voici A Day in a Life. Phil Collins dira sur cette chanson-là que le morceau est extrêmement difficile à la batterie et que quoi qu'on puisse penser de Ringo Starr, le boulot qu'il a fait sur cette chanson-là est vraiment du très très très bon boulot. Là voici cette chanson, A Day in a Life, sur RG, dans la saga des Fab Four. Nobody was really sure if he was from the House of Lords. army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look, having read the un moment, mais on va laisser ça en fond pour que je vous explique. A Day in the Life, évidemment, sur l'album Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band. Pour She Said, She Said, John avait juxtaposé deux chansons inachevées, mais les deux compositions étaient les siennes. Il combina pour la première fois un de ses morceaux inachevés avec l'un de ceux de Paul pour créer A Day in the Life, chanson souvent considérée comme étant la plus extraordinaire de Sgt Pepper. La partie composée par Paul avait été inspirée par les journaux qu'il lisait constamment. La référence aux 4000 trous à Blackburn, Lancashire, vient d'une nouvelle parue dans le Daily Mail du 17 janvier 67. Le journal annonçait le résultat époustouflant d'une enquête menée par le conseil municipal de Blackburn au sujet de l'état de ses chaussées. L'homme qui se fracasse le crâne en voiture, he blew his mind out in a car, était Tara Brown, en fait, un Irlandais mondain ami des Beatles, qui se tua dans un accident de voiture le 18 décembre 66. Je n'ai pas repris les véritables circonstances de l'accident, confia Lennon à Hunter Davis, le biographe officiel des Beatles. Tara ne s'est pas fracassé le crâne, mais je pensais à lui en écrivant ces lignes. L'accident tel qu'il est raconté dans la chanson, il didn't notice that the lights had changed, il n'avait pas vu que le feu avait changé de couleur, est également une fiction. En réalité, Tara Brown descendait en voiture de Redcliffe Garden à Earl Court, un peu avant l'aube, quand une Volkswagen a débouché d'une rue attenante. Il a essayé de l'éviter et sa Lotus s'est écrasée contre une camionnette en stationnement. Il était déjà mort lorsqu'il fut admis à l'hôpital le plus proche. L'autopsie révéla que la cause du décès était de multiples lacérations du cerveau dues aux fractures de la boîte crânienne. Un petit peu dégoûtant. Bref, on s'en fiche un petit peu de tout ça. Enfin non, c'est de l'histoire, mais ça fait partie de l'histoire de la chanson. L'ébauche de Paul, c'était un morceau brillant et enjoué, parlant de se lever le matin pour aller à l'école. Fut intercalé entre les deuxième et troisième couplets de John. Ma chanson n'avait aucun rapport, mais il se trouvait qu'elle faisait l'affaire, raconte Paul. C'était juste une chanson dans laquelle je me souvenais de ce que c'était que de courir dans la rue pour attraper le bus de l'école, fumer une cigarette puis entrer en classe. Une réminiscence de ma jeunesse. Ne le faites pas, hein, ne fumez pas de cigarette. Je fumais une Woodbine, une cigarette bon marché sans filtre. Puis quelqu'un se mettait à parler, je commençais à rêver. Voilà. Et on a vu évidemment dans cette chanson-là peut-être des allusions à des substances un petit peu bizarres, puisque and I went into a dream, etc. Bref, passons. Et souhaitant d'ailleurs un bonjour à tous ceux qui viennent de se brancher sur la saga des Fab Four, puisque c'est le mercredi soir, c'est de 20h à 22h, c'est sur RIG. Et j'envoie également le bonjour à Lovely Rita, qui est à Londres, qui est la directrice du Beatles Magazine. Si vous voulez tout savoir sur les Beatles, que ce soit en vidéo, en texte, si vous voulez savoir ce qui se passe pour Paul, John, Ringo, pour les enfants, pour les copains des Beatles, pour même nous, les animateurs radio qui faisons l'émission radio sur les Beatles, eh bien, vous savez tout sur son site, le Beatles Magazine, que vous pouvez retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Google+, bref, sur plein de sites, et c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est absolument extraordinaire. Je voulais le dire et c'est dit. Voici l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Live Peace in Toronto, et le deuxième titre, Blue Sweat Shoes, sur RIG. Get your matches ready. Préparez-vous, briquet. Ladies and gentlemen, the Plastic Ono Band! Mesdames et messieurs, le Plastic Ono Band. Toronto welcomes the Plastic Ono Band. Toronto souhaite la bienvenue au Plastic Ono Band. Robert Walker presents the Plastic Ono Band. Give peace a chance. Give peace a chance. Je crois que c'est quand même un peu improvisé. On va faire des titres qu'on connaît parce qu'on n'a jamais joué ensemble. Well, it's a one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, get, go, don't. Down, red on my face, finding my name all over the place. Do anything that you wanna do. Honey, lay off them shoes, don't you? Put my boots with you. You can do anything, lay off of them boots with you. Yeah.

that you know who you are. What do you want to be? And have you traveled very far? Far as the eye can see. How does it feel to be one of the beautiful people? How often have you been there? Often enough to know. What did you see when you were there? Something that doesn't show. Comme pour A Day in the Life, deux chansons inachevées furent accolées pour créer Baby You're a Rich Man, avec en ouverture une section due à John, laquelle devait initialement s'appeler One of the Beautiful People, avant d'enchaîner sur le refrain de Paul, Baby You're a Rich Man. Les Beautiful People, les belles gens, étaient le nom que se donnaient les membres d'une génération de hippies qui, avec leurs longs cheveux, l'amour libre et la drogue, avaient créé une alternative à la société straight. Ils associaient le mot beau à tout ce qu'ils approuvaient. Au fond de mon esprit, quelque part, il y avait quelque chose qui me dit que tout est beau, explique Paul dans une interview défoncée accordée au magazine International Times en janvier 67. Au lieu de m'opposer aux choses du style « Oh, je n'aime pas cette émission à la télé » ou « Non, je n'aime pas le théâtre », je sais en réalité que c'est génial, que tout est génial et que rien n'est mauvais si on pense que tout est génial. Ben oui, d'accord, pourquoi pas. L'homme riche de la composition de Paul était réputé être Brian Epstein. Dans une maquette de la chanson, John s'amuse à changer les paroles, transformant « Baby, you're a rich man too », mon ami, tu es riche toi aussi, en « Baby, you're a rich fight Jew ». Évidemment, ça ne passerait plus du tout maintenant. Déjà, ça passait certainement pas à l'époque, mais donc sur la maquette, il disait « Tu es un riche juif pédé ». Bon, ce que je voulais dire, explique à John, c'est arrête de te plaindre, tu es riche, nous sommes tous riches. Ah oui, là déjà, ça passe beaucoup plus. Voici George Harrison sur R.I.G. et l'une de ses plus belles chansons. Je crois que c'est l'une de celles que je préfère dans sa carrière solo. Voici Dark Sweet Lady sur R.I.G. C'est en 1979, c'est sur l'album qui s'appelle George Harrison, tout simplement. My darling, cette chanson, une fille aux cheveux bruns, à quelqu'un. Voilà, c'est fait. On retrouve Ringo Starr dans une chanson que je n'avais pas programmée jusqu'à présent. Elle date de 1970, son deuxième album, vous savez, l'album country, l'album qui s'appelle Bokups of Blues. La plupart du temps, je vous passe Bokups of Blues. Et puis là, j'ai eu envie de fouiller un petit peu, d'en choisir une autre. Voici Loser's Lounge sur RIG. There's a honky-tonk in this town, they call the Loser's Lounge. And I guess I'm a charter member, you could say. Since love has turned me down, nothing to do but hang around and listen to all the fools who come to say that life is full of heartache for a poor boy. Cause a bankroll can turn his woman's head around. Then I used to try and run away or move to another town. Cause anywhere a poor boy goes, there's a loser's lounge. Sam said he just couldn't understand why in the world his sweet love let him down. But a rich man called it I, he had the money for things to buy. Now this brand new member down at the loser's lounge. Life is full of heartbreak for a poor boy. L'album de la semaine, Life, Peace in Toronto, et ce morceau, Dizzy Miss Lazy, sur RIG. Lazy. When you do that, so come on, Miss Lazy. Je rappelle que là, pour ce set de chansons-là, eh bien, John Lennon et ses copains, Clapton, Klaus Voormann, tout ça, n'ont eu le temps de s'entraîner que dans l'avion. Il l'a évoqué au début sur je ne sais plus quelle chanson. Il a dit, on n'a jamais joué ensemble, donc on va essayer de faire quelques trucs dont on se rappelle. Et c'est pour ça que ça donne un air un petit peu décousu, mais ça se passe bien quand même. Hein. C'était des cadors, quoi, des grands musiciens, ces gens-là. Voici une autre chanson que j'adore. Et pourtant, les paroles sont d'une simplicité que l'on doit à Yoko Ono, hélas, mais c'est du grand Lennon, parce que cette chanson s'élève progressivement, grâce à l'apport d'ailleurs du synthétiseur, et pour avoir une fin totalement hypnotique, c'est absolument génial. C'est I Want You, She's So Heavy, tiré de l'album Abbey Road, et c'est sur RIG dans la saga des Fab Four. Gary Fab Four, c'est sur Érigé. McCartney se lève un matin et fait un solo, enfin un instrumental. Il est comme ça, Paul. Enfin, je dis là, je ne sais pas s'il s'est levé un matin, il a créé ça in private, mais c'est sur l'album Memory Almost Full de 2007. Et bon, c'est tellement bien que j'avais envie de temps en temps de vous proposer des instrumentaux, notamment celui-ci, par exemple. Voici un autre McCartney qui date, celui-ci, de 1980 et des poussières, peut-être 90. C'est à Nebworth et c'est... Oh, tiens, vous allez deviner, c'est en live. Oui, ben forcément. Ouais, ouais, c'est Coming Up sur RG dans la scène, elle est pas pour. I'm Everybody's got something to hide except me and my monkey, le titre des Beatles le plus long de toute leur histoire. Présenté tout d'abord sous le titre beaucoup plus simple de Command, Command, cette chanson avait été construite autour du vers qui lui servit finalement de titre. John déclara qu'il s'agissait d'une référence évidente à sa relation avec Yoko. C'était juste une bonne phrase dont j'ai fait une chanson, dit-il. Tout le monde semblait paranoïaque, sauf nous deux, qui rayonnions d'amour. Tout le monde était tendu autour de nous. Leur amitié n'était devenue une liaison qu'à son retour de Rishikesh et Cynthia découvrit ce qui se passait. Yoko assistait aux séances d'enregistrement du nouvel album, aux grandes dames des autres Beatles. La presse eut également du mal à accepter Yoko, ce qui fit enrager John, et joua plus tard un rôle dans sa décision de partir vivre aux États-Unis. Écoutez bien ce qu'il dit, c'est John qui le dit évidemment. « En Angleterre, ils pensent que j'ai joué à la loterie et que j'ai gagné une princesse japonaise », dit-il un jour. « En Amérique, ils la respectent, ils la traitent comme l'artiste qu'elle est effectivement. » Ces propos évidemment n'engagent que la personne qui a dit ces mots. Parce que l'artiste sur Yoko Ono, il faut le faire. Et nous avons parlé des États-Unis. Let me say a big hello to my friend Michael Onorato, who's doing the Beatles tonight, every Monday from 10 p.m. to midnight in America, in New Jersey. Voilà, c'est dit. Salut, à bientôt. Voici l'album de la semaine, Year Blues. Encore une chanson de 68 de l'album blanc, mais chantée en 69 en live sur l'album Live Peace in Toronto sur RIG. Yes, I'm lonely. In the morning. comprendre, hein. Ça se termine là, donc autant passer à la chanson suivante. La chanson suivante, c'est le fameux la cover. Vous savez, je vous ai toujours dit, vous pouvez vous chanter une cover, une chanson que John, Paul, Ringo ou George a chanté, même si eux-mêmes en faisaient déjà la cover. Par exemple, si les Beatles reprennent une chanson de Chuck Berry et qu'on entend Chuck Berry, ça devient la rubrique, la cover, c'est la chanson originale à ce moment-là. Ou alors, c'est vous qui chantez. Et bien là, c'est une demande de JP Harrison sur Facebook qui m'avait dit « J'aime beaucoup le While My Guitar Gently Weeps par Peter Frampton. » J'ai cherché et je vous ai trouvé ce live qui date... Alors attendez, parce que là, il faut... Je ne connais pas tout forcément. Oh, c'est pas marqué sur mon truc. C'est un live, je crois... Ah voilà, c'est au festival, le temps que ça défile, au festival de Vigna en 2008. La voici la chanson While My Guitar Gently Weeps sur RIG, la cover.

this boy get you back again? This boy, this boy. Je me demande si à la fin ils l'ont pas un peu fait exprès. En tout cas, ça partait bien, hein, et la preuve que ça n'est pas facile. Hein. Vous pouvez retrouver cette chanson-là, The Laughing Version of This Boy, vous l'avez sur le single Free as a Bird sorti en 1995. Il fallait l'avoir pour avoir cette version-là. Allez, on retrouve l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Live Peace in Toronto. Et là, je pense me souvenir qu'on va entendre Madame Ono qui va pousser un peu ses hurlements sur cette chanson-là. Voici Cold Turkey sur RIG. On va voir si je tiens jusqu'au bout. Là, Yoko, je déteste, je trouve ça tellement moche. Mais bon, sur cette chanson, à la limite, ça peut aller. Voici une belle chanson, par contre, de Monsieur Paul McCartney en 1993. C'est une chanson qui évoque un peu Maybe I'm Amazed, qui évoque tout ce style-là fait au piano superbe. C'est Golden Earth Girl sur RIG. Ça, c'est beau. Golden Earth Girl, female. the wind, resting at sunset. Ooh, in a mossy nest, sensing moonlight in the air. Evolution. looking for people with minds that hate. But all I can tell you is, brother, you have to wait. Well, you know It is that. Ouais, on peut le dire, à cette époque, la cigarette avait l'air de tourner pas mal quand même. Mais on constate que Ringo Starr, il passe, il fait sa batterie, sans s'arrêter, autant de temps qu'on lui demande, que ce soit 3 minutes ou 10 minutes, ça lui pose aucun problème. Allez, Ringo Starr, puisqu'on en parle, on va le retrouver dans quelques secondes dans la saga des Fab Four. Extrait de l'album Everyone For the Love of Harry, Everybody Sings Nilsson, Ringo Starr et Stevie Nicks sur RIG. Voici Lay Down Your Arms. Now see what you get when you shoot so low. Once you see it's bad, you must say no, no. When you cannot sleep, you must ask yourself what for. See what it is, you can ask no more. Lay down your arms. Ce titre date de 2008 et je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, en furetant comme ça, sur iTunes. Et je me suis dit, mais je n'ai pas ça, alors que c'est bien Ringo qui chante. Donc, pour la saga, je me devais de me le procurer et le voici. Allez, on retrouve une... Est-ce que c'est la dernière? Oui, la dernière fois, l'album de la semaine, l'album Live Peace in Toronto. Je vous signale qu'il est 21h50 sur RIG, ici à Bordeaux, et que Eric ne sera pas là tout à l'heure à 22. Donc, on va passer toute la programmation, même si on déborde un petit peu, et puis écouter jusqu'à la fin du générique. Je dis ça comme ça. Voici Give Peace a Chance sur RIG. chanson que je passe rarement, Sosa de 1974, George Harrison. And a cold wind now blows, not much hand is blown from the heart of someone feeling so tired. And he feels so alone, no love of his own. Paul McCartney dans la saga des Fab Four. face B de Another Day, 45 tours de Paul McCartney, tout seul, surérigé, et essayer de chanter comme lui. Oh, woman, oh, why? Ça n'est pas facile du tout. Quelle voix, quel type extraordinaire que ce Paul McCartney. Voici la fin, puisqu'il est 22h03, la fin de cette saga des Fab Four qui a été consacrée à John Lennon. N'oubliez pas que demain matin, alors on essaie, si vous le voulez bien, hein, je vous force pas, on se met tous pour une journée seulement avec une photo de profil de John Lennon. Vous pouvez trouver ça sur internet. Et demain matin, voilà, ce sera l'anniversaire de John Lennon qui aurait eu 74 ans, mais qui ne les aura jamais. Allez, dernier titre, c'est Elton John, Ringo Starr et Buck Owens qui nous reprennent Act Naturally sur RG. Un clip hilarant, je vous l'ai déjà dit, où ils essaient chacun de se voler la vedette. C'est très drôle. Allez le voir. And all I gotta do is act naturally. Well, I bet you I'm gonna be a big star. Might win an Oscar, you can never tell. The movie's gonna make me a big star. 'Cause I can play the part so well. Well, I hope you'll come and see me. Then I know that you will find the sea. The biggest fool that ever hit the big time. And all I gotta do is act naturally. We'll make a scene about a man that's sad and lonely. I'm begging down upon his bended knee. I'll play the part, but I won't need rehearsing. All I have to do is act naturally. Well, I'll bet you I'm gonna be a big star. Might win an Oscar, you can never tell. The movies are gonna make me a big star. 'Cause I can play the part so well. Well, I hope you come to see me in my movie. And I know that you're gonna plainly see the biggest fool that ever hit the big time. And all I gotta do is act naturally. A film about a man that's sad and lonely. All I have to do is act naturally. Two, three, four. All we have to do is act naturally. Oui, je sais. Oh, s'il te plaît, Thierry, encore un peu plus longtemps. Non. Non. Pas cette fois, en tout cas. Il n'y a pas d'Eric ce soir, pour des raisons professionnelles, mais il a été obligé de rester chez lui. Rien de grave, hein, rassurez-vous, mais il sera là mercredi prochain. Je vous souhaite une bonne nuit, je vous souhaite une bonne semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Restez jusqu'après le générique, on sait jamais. Allez, bisous filles, notamment à toi. Et prenez de moi au garçon. Toi aussi. Ouais. Allez, gros bisous, à bientôt, ciao. the ball, after the ball, you were the one. Out in the hall, you were the one who would love me after the ball. After the ball. Nathalie d'écrire sur Facebook, quelle voix. Bon, alors, puisque ça vous plaît, je ne peux pas vous laisser sans un deuxième bonus post-saga. Allez, c'est le dernier, après la programmation de l'ordinateur. Bye.